Cette semaine, des images qui touchent le soleil, les outils de Topaz Labs, des prédictions de boîtiers pour 2022, et ce n'est qu'un au revoir. Vous écoutez Objectif numérique, épisode 180. Stéphane Vaillancourt au micro, je suis en compagnie de Christian Jarry. Hey, salut Stéphane. Salut, de Patrick Pilon. Bonjour Stéphane. Salut, de Maxime Soriol. Oh yeah. Et de François Blanchette. Allô, salut, je suis de retour. Hey, revenu. Grosse équipe. Ben, grosse équipe de cinq. Mais, cinq. Ouais. Cinq. Mais François revient pour une raison toute spéciale. C'est que c'est le dernier épisode d'Objectif numérique. Donc, l'émission se termine avec cet épisode. Veux-tu dire que c'est moi l'oiseau de malheur? C'est moi qui cause tout ça? Parce le bouche-trou, on dit. Ouais. Parce que tu es là, on a décidé d'arrêter. Mais comme ça, tu pars sur un high note, tu sais, comme ça, tu étais là la dernière fois. Puis... Exact. Écoute, je le voyais pas de même, mais... Eh oui, écoute, je ne pouvais pas manquer ça. Oui, je ne pouvais pas manquer ça. Quand Steph a dit, écoute, François, ça va se terminer, tu voulais participer à notre dernière émission, je dis, ben, j'ai pas le choix, il faut que j'y aille. Il faut que je sois là, je ne peux pas faire ça. Parce que s'il y en a qui ont manqué les premières années d'Objectif numérique, ben, c'est François et Christian qui étaient, et moi, évidemment, qui formions le trio original. Mm-hmm. Et c'est ça. Donc. On avait commencé, on a lancé ça en avril. On a remanié des fois un peu le trio. Oui. Ben, on fait, c'est ça, hein, comme toute bonne équipe de hockey, mm-hmm. on remanie nos trios. Et ben, c'est ça. Donc, ça fait quoi, 9 ans et demi qu'on avait lancé ça? Puis, à un moment donné, bien, on a fait le tour de la question. Surtout, malheureusement, c'est un peu la faute de la pandémie. Mettons ça sur son dos. Le fait de une chose de plus, je ne pense pas que ça va déranger de toute façon. Non, c'est ça. Mais en tout cas, pour ma part, le fait de moins faire de photos, pas mal, disons que ça a affecté beaucoup la motivation. Mais on a quand même un épisode avec quelques petites nouvelles. Puis Maxime a trouvé une suggestion. Maxime, notre recherchiste émérite depuis de nombreuses années. Et puis, ben voilà, donc on va procéder un peu comme à l'habitude parce que j'ai envie de savoir quand même qu'est-ce que vous avez fait côté photo récemment, puis si vous avez des projets pour le futur. Moi, j'ai un projet pour le futur dont je vous parlerai plus tard parce que je ne disparaîtrai pas des interwebs. Mais bonne nouvelle. Oui, c'est ça. Ben, peut-être pour toi, il y en a peut-être pour qui c'est une mauvaise nouvelle, mais... Non, ça fait longtemps qu'ils ne te suivent plus, eux autres. Là. Ouais, je pense que tu as raison. Christian, avais-tu fait de la photo récemment? Ou c'est... En fait, oui, je reviens de Québec. J'ai passé quelques jours là avant qu'on soit reconfiné ou je ne sais trop quoi. Bref, tout ça pour dire que j'étais parti aller faire passer quelques jours dans une yourte avec la famille. Puis finalement, ben, on a changé les plans vu que les activités ont changé un peu aussi. Puis on s'est ramassé à Québec à se promener. Il y avait le marché de Noël allemand de Québec. J'ai pris quelques photos dans ce coin-là. C'était très joli. Puis finalement, ben, ce matin, on s'est promené au parc de la Jacques-Cartier que je voulais voir depuis longtemps l'hiver. Parce que, tu sais, avec la neige, c'est vraiment pas la même chose. Puis ben j'ai fait, qui est supposé sortir d'ici peu, mon test du Pixel 6 là, qui a été retardé par mon travail et la fin de l'année, les vacances et tout ça, là, mais il devrait sortir dans pas long. Bref, ça m'a permis de prendre des photos. Autant de ça, j'ai amené mon Fuji X-T2, puis j'ai amené aussi le Pixel 6 pour faire des photos un peu comparatives, voir que ça donnerait. Puis franchement, il m'impressionne, j'avoue. Mm-hmm. Là, c'est sûr et certain qu'il y a beaucoup de post-production. Là, on ne s'en cachera pas personne, on le sait tous, là, mais reste pareil que le résultat est quand même intéressant. Là. OK. Les photos qu'on arrive à prendre avec ça. Hey, j'ai une question. Oui? On peut utiliser post-production quand ça se fait à l'interne, carrément, puis que ça... Tu comprends ce que je veux dire dans le processus? Oui, non, c'est une très bonne question. Ben, c'est une très bonne question. Tu trouverais un autre terme, moi. Ouais, post-traitement. Post-traitement, peut-être, non? Non, c'est... Oui, mais en tout cas, dans ma tête, post, ça se trouve à être après... Après la prise de photo. Prise de photo. Mais ça prend 3-4 ben oui. secondes avant que tu aies ta photo. Fait que je te dirais que c'est quand même un peu ça pareil. Mm-hmm. Oui, oui, oui. Techniquement, tu as raison, c'est pas mal ça, mais c'est tellement rapide. T'sais. Ouais. La photo, c'est comme faire un gâteau. La photo, c'est le mélange. La post-production, c'est dans le four. C'est comme une étape en tant que telle. Ouais. Puis tu peux y aller avec un peu de décoration si tu veux pour la rendre plus à ton goût après ça, définitivement. Non? Ah ben c'est oui. Ça. Bon, ben voilà. Encore une fois, Maxime. Oui. Ben, ma prochaine recette de gâteau sera en HDR, d'ailleurs. mais est-ce que tu... Tantôt, veux-tu nous en reparler un peu plus en détail du Pixel 6? Ou, ouais, ben oui. Si on a, si on a le temps, pourquoi pas? Pas de trouble. Patrick, qui n'est pas au Kazakhstan aujourd'hui, mais qui est à Montebello, mais pas le Montebello exotique, mais le Montebello du Québec. Oui, très exotique quand même. Oui, avec, ton décor est exotique et pittoresque. C'est ça, avec les petites maisons en bois rond. Donc, c'est là que je suis pour mes vacances de Noël. On est venu au Canada. Puis finalement... c'est ça. Finalement, on est confinés. On est venu rencontrer des gens. On en a vu quelques-uns. Là. Ça vaut la peine quand même. Ben, tu peux voir au moins tes parents, j'imagine. Et c'est ça. Tes proches, là, puis, au moins, c'est ça. Mais je suis sûr que ce n'est pas exactement ce que tu t'attendais. Non. Ben, quand on a acheté nos billets, il y avait 200 cas par jour au Québec. Puis par le temps qu'on est arrivé ici, c'était rendu à 4500, donc ça a explosé assez vite. Ouais. Mais, on était même supposé faire ça en personne, mais bon. C'est ça. Oui, c'est l'épisode devait être en personne. On va faire cette belle émission ensemble, puis on va en profiter. Mais exact. Oui. Mais, je voulais parler un peu de ce que j'ai fait côté photo, parce qu'avant de partir du Kazakhstan, je devais faire le traditionnel portrait de mes enfants, la photo. Tu sais, une fois que tu en as donné une photo comme ça à quelqu'un, il faut que tu en donnes l'année d'après, parce que sinon, tes enfants ne vieillissent pas chez eux. Hein? J'ai d'ailleurs une photo de la famille de mon frère, puis ça doit faire au moins 6 ans qu'on ne l'a pas changé. Donc, à chaque année, dans les cartes de Noël, je fais des photos des enfants. Puis c'est quand même une expérience amusante, parce que c'est rare que mes photos sont faites d'une manière qui n'est pas candide ou dans le feu de l'action. Là, je leur demande de s'asseoir, de se placer, puis j'éclaire ça un petit peu. Donc, je rends l'événement formel. C'est une belle expérience pour eux aussi, je pense. Là. Super, ça. J'ai commencé à publier sur Instagram aussi. Pas de la photo que j'ai faite, mais c'est de la photo que j'ai traitée, finalement. Certains voyages que j'avais toujours dans des répertoires, puis je n'avais pas traité ces photos-là. Puis, je me suis mis à publier sur Instagram. J'ai programmé ça à tous les 3-4 jours. Donc, c'est comme si on vivait mon voyage avec moi, mais avec 8 mois de retard. Okay. Avec, ouais. T'as-tu un petit libellé avec ça ou juste la photo? Ouais, ben c'est toujours la photo avec un peu une description de ce que c'est. Donc, par exemple, il y a le voyage en train qui est un voyage de 24 heures qu'on a fait. J'ai mis une photo de ça avec toujours une petite description de à l'endroit où on se trouve puis qu'est-ce qu'on est en train de voir. Puis de partager mes photos, ça me motive à les traiter, en fait. C'est ça qui m'a vraiment motivé là, avec l'autre. Je n'avais pas publié sur Instagram depuis 2019 à peu près, depuis mon escapade au Flamand dont j'avais parlé à ce balado. Mais je trouve que ça fait du bien d'avoir un endroit où la mettre. Ben oui, puis tu fais de très belles photos. Évidemment, je mets les liens dans les notes d'épisode, puis les auditeurs pourront aller jeter un petit coup d'œil et qui sait, peut-être... s'ajouter au nombre de tes followers, de tes abonnés. T'as quand même plus d'abonnés que moi, je suis jaloux. J'en ai beaucoup qui me restent de quand j'étais journaliste aussi. C'est difficile de changer de vie plusieurs fois comme ça. Non, ben j'ai presque pas publié depuis 6 mois, je te dirais, donc ça aide pas non plus. Là, les dernières fois que j'ai publié, j'ai gagné une quinzaine d'abonnés facile, donc suffirait que je m'y remette un peu, là, puis ça monterait, j'imagine. Enfin. Maxime, toi, t'as fait quoi côté photo? Moi non plus, j'ai pas fait grand-chose. C'est sûr qu'il fait noir, c'est l'hiver qui s'installe, puis encore une fois, comme toujours, c'est le télétravail, il n'y a pas de déplacement. Mais j'ai quand même mis une photo pour notre site web, c'est une photo accident que j'ai publiée. La qualité n'est pas parfaite parce que c'est fait avec un cellulaire, mais en allant au guichet automatique au coin de Saint-Laurent et Laurier à Montréal. La lumière était belle au-dessus de Mont-Royal quand on regardait vers Laurier-Ouest. Puis j'essayais avec mon téléphone de prendre une photo, puis en zoomant un petit peu pour voir le monde plus loin, à un moment donné, j'ai fait une photo qu'un char passe sur Saint-Laurent, puis comme la photo est à travers le char, puis tu vois comme une piéton au loin, donc tu vois ça assez bien. Puis c'est sûr que là, présentement, j'ai un peu plus de temps, donc il faudrait que je réessaye avec mon appareil. Ça m'est arrivé le 2 jours, mais avec mon vrai appareil, avec un vrai zoom, trépied, puis pouvoir m'installer au coin de la rue, puis réessayer de recapturer ce moment. C'est sûr qu'il y a beaucoup de trafic sur Saint-Laurent, donc c'est quand même possible, mais c'est quand même pas une chose facile. Donc, il faudrait que je réessaye comme défi. J'ai l'impression que la voiture, quand elle passe, elle est nette beaucoup. Elle est très nette parce que tu as beaucoup de lumière en arrière aussi, donc ton... Je ne sais pas, ta photo est probablement très éclairée, puis ça a fait que ça a vraiment figé. Là. Mais tu en as une autre intéressante. Quand il y avait eu du verglas, il y a une semaine à peu près, on dirait qu'il y a une vitre qui est cassée, là, mais en réalité, c'est de la glace qui a été brisée. Ah non, non, non, c'est une vitre qui est cassée. C'est une vitre cassée. C'est une voiture qui est abandonnée sur le terrain d'un garage depuis longtemps. Ah. C'est une vieille voiture qui, genre des années 50, 60, ça serait bien... Elle serait quand même super belle, mais la star est remplie de graffiti. Il y a des vitres, au moins 2 vitres pétées. Les divans sont décollissés. En bon québécois. Québécois. Donc, je veux tout ça la prendre en photo. Puis, cette fois-là, on allait me chercher des cafés. Je vais essayer d'attendre que quelqu'un passe. Puis, justement, c'est quelqu'un avec un café qui est passé et qui prenait sa gorgée juste autant qu'elle était dans la fenêtre. Donc, mais je pense que c'est peut-être mes 2 dernières photos. C'est les deux photos assez chanceuses, coïncidence. Ah oh non, c'est mes 2 de mes dernières. Mais... Oui, oui, oui. Quand même, belle photo quand même. Je pensais que c'était vraiment de la glace, du verglas qui avait pris sur la vitre, sur la fenêtre de voiture. Puis là, tu descends la vitre, puis là, il reste juste de la glace, puis tu peux la casser. Parce que j'ai quelqu'un sur Facebook qui a fait ça. Son enfant faisait semblant d'être enfermé dans la voiture, puis finalement... donner un coup de poing à travers la glace. Et là, ça a éclaté. C'est comme dans un film, pratiquement. Là, tu sais, puis c'était vraiment cool. Donc, je me suis dit que c'était peut-être ça. Mais bon, la photo est belle. Peu importe. Parce que, juste parenthèse, je suis bon pour les parenthèses, mais je suis une influenceuse qui voyage encore. C'est une YouTubeuse qui a 1 million d'abonnés, qui voyage partout dans le monde, en Mongolie. C'est en ça. Puis, son chum, il vient du Nouveau-Brunswick. Puis, il est au Nouveau-Brunswick. Puis, ils ont eu la pluie verglaçante, puis la capotée. C'est comme la première fois que je vois une pluie verglaçante aussi épaisse et tout. Puis t'es comme excité par le verglas, alors que nous. Ouais. Nous, c'est souvent synonyme de panne électrique, etc. Donc, c'est moins. Oui, puis on se rappelle des bons souvenirs de la dite crise du. Oui, en 98. La crise du verglas. Ouais. Puis toi, François, est-ce qu'il y a des trucs que tu as fait côté photos, vidéos récemment? J'ai pas fait de photos. Écoute, c'est un peu triste parce que moi, l'arrivée de la bonne qualité photo sur les cellulaires, ça l'a tué le photographe en moi. En fait, tu sais, de l'ancienne méthode, tu sais, c'est-à-dire, ça se fait encore, j'ai juste pas acheté un nouvel appareil pour le faire, mais ça l'a fait que ça m'a attiré vers la prise de photos avec mon cellulaire. Fait que j'en fais des belles quand même de temps en temps, mais on s'entend, là, la technologie t'aide beaucoup, là, tu sais, il reste le cadre puis la lumière que tu peux contrôler, le reste, le téléphone fait beaucoup de travail quand c'est rendu que la profondeur de champ s'est rendue bien normale avec les photos cellulaire, ben coudonc, t'sais, il te reste à la travailler comme il faut pour qu'elle soit belle puis qu'elle ait de l'air naturelle, mais bon. Mais ce que Patrick Pilon vient de dire, par exemple, ça m'a fait flasher quand il dit qu'il mettait des photos qu'il avait postées, qu'il avait pris il y avait environ 8 mois sur son compte Instagram. Je fais comme, tiens, je pourrais aller jouer dans mes vieilles photos, puis là, ça peut dater de bien plus longtemps, puis me faire peut-être un compte, je ne sais pas comment appeler ça, ça doit exister, là, des personnes qui mettent des vieilles photos là, t'sais, de leur collection. Ça pourrait m'intéresser, ça serait ça mon projet à moi, là, de revenir sur des photos de mon travail, tu sais, quand je voyageais beaucoup pour le travail, moi c'était beaucoup des événements, fait que c'était glamour par bout. D'autres fois c'était comme right, j'ai une journée off, je vais aller faire de la photo, puis j'avais le temps là, tu sais, pour mais ça, fait que ça pourrait être un projet, ça, je te dirais. En effet. Publier juste les jeudis, là. Throwback, Throwback Tuesday. Ah, ben, comme sur Twitter, là. Throwback Tuesday, mais ouais, ça, moi, ça serait TBF, là, quoi. Throwback Frank, c'est ça? Ah, oui, c'est ça. Ah, c'est fantastique. Tu viens d'avoir le nom de ton compte. Ouais, ouais. Ben oui, parce que ça serait juste de ça. Mm-hmm. Voilà, ben, c'est réglé. Hey, merci. On a Patrick qui est parti. Sa connexion Internet, je pense qu'elle n'est pas très, très stable, mais on va continuer. Puis écoute, il se rejoindra à nous quand il pourra. Moi, ben, de mon côté, j'ai fait... bon, j'avais fait un petit peu de photos de produits. J'avais fait quelques tests pour Best Buy, mais plus récemment, j'ai commencé à prendre des photos parce que j'ai commandé, depuis le début de la pandémie surtout, beaucoup de jeux de table, des jeux de société. et j'ai beaucoup de projets qui... J'avais pas remarqué. Non, j'avais pas remarqué. Non. puis j'en ai plusieurs qui s'en viennent. Puis là, ben, j'ai eu comme idée de possiblement me partir à une petite chaîne YouTube où j'allais expliquer les jeux de société en 15-20 minutes. Ça va être ça le concept. Parce qu'il y a beaucoup de chaînes où ils font une partie complète. Ça dure une heure et demie, deux heures et quart. C'est long, je trouve ça long, même moi, regarder. Est-ce que, en quoi le jeu est intéressant ou n'est pas intéressant, je veux faire une espèce de synthèse et dire voici un peu comment le jeu se joue, expliquer quelques mécaniques. Puis en 15-20 minutes, tu as quand même une bonne idée des points forts, points faibles. Puis après, peut-être que je ferai une partie complète aussi pour ceux qui veulent vraiment comme savoir comment attaquer le jeu là, la première fois, puis jouer vraiment les tours de jeu, etc., en expliquant. Mais la base, je veux faire une espèce de synthèse. Donc, ce que j'ai fait, avec quelques jeux que j'ai reçus récemment, j'ai pris des photos du jeu, etc. Puis j'ai tourné du B-roll, comme on dit, des images que je vais pouvoir réutiliser dans mon montage. Puis éventuellement, bien, je vais commencer à faire l'enregistrement. Et je ne sais pas quand je vais lancer ça, parce que je vais attendre quand même d'avoir peut-être 2-3 épisodes. Là, je ne vais pas le lancer juste avec un. Mais il se pourrait que Christian participe à ce petit projet. Parce que Christian est aussi un grand amateur de jeux de table. Je n'ai pas l'occasion de jouer assez souvent, fait que ça ne me dérangerait pas. Exact. Donc, faudra voir, parce que ça va être plus intéressant de faire ça en personne absolument. Oui, clairement. Disons qu'à distance, il y a léger le problème de ne pas avoir le jeu de chaque bord. Exact. Quoi qu'on peut jouer avec caméra interposée, puis là, OK, bouge ma pièce en C8, puis non. Ah, Patrick est de retour. Donc, c'est pas mal ça, ce que j'ai comme projet. Puis côté photo, ben, à l'occasion, photo de portrait, j'ai des idées pour faire de la photo, mais la motivation n'est pas là parce que même faire de la photo de rue, tout le monde porte un masque et tout ça, il y a plein de monde qui ont documenté ça. J'ai pas tant envie de documenter ça, même si j'aime beaucoup documenter quand je fais de la photo. Je sais pas, j'ai même pas ressenti d'espèce de pulsion pour aller dehors faire de la photo puis photographier des gens qui se promènent et qui auraient un masque ou peu importe, mais dehors, il y en a beaucoup qui en ont même pas, mais on dirait que ça m'a comme coupé un peu ma motivation. Ouais. Ben, en fait, c'est que ça te prend l'angle, tu sais. Ouais. Oui. Ça va être quoi l'angle? Parce que si tu trouves le bon angle, ça peut être vraiment intéressant, là. Oui. Mais ça te prend l'angle. Sinon, effectivement, ça devient juste de la photo de gens dans les rues, mais si tu as l'angle, là, tu comprends un peu ce que tu veux raconter. T'sais. Exact. C'est juste ça qui te manque. Ouais, j'ai pas trouvé l'angle encore, mais ouais, ça non. Viendra. Je me suis beaucoup senti comme ça aussi en Turquie avec la pandémie, en me disant « Ah, j'ai pas pris mes photos avant » où tout était plus générique. Puis là, je me dis « Si je les prends, mes photos maintenant, est-ce peut-être que dans 6 mois, dans 1 an, ça... Les gens vont voir les masques, donc ça va vraiment faire appel à l'époque de la pandémie, alors que, dans le fond, je veux pas nécessairement, je veux que mes photos soient intemporelles un peu. C'est ça. Exact. Et ça, dans mon milieu, d'ailleurs, ça a été, c'est encore un problème de production. Je travaille en télévision, pour ceux qui ne le savent pas. Puis c'est souvent le combat des producteurs versus les diffuseurs. Est-ce qu'on fait ça intemporel ou non? Puis si on le fait... on monte-tu le public ou on ne le monte pas, tu sais? On veut les voir, les masques, on ne veut pas les voir. Écoute, j'ai fait toutes les façons de filmer juste les personnes de dos. pas les filmer du tout. Les filmer, mais avec distanciation, avec le résultat que ça donne, on va remplir les trous avec de la lumière, tu sais? un peu comme ils ont fait aux parties de hockey, là, tu sais, avec, aux grands événements sportifs. Ils remplissent les trous par de la lumière, puis ça, sur les white shots, ça a l'air, tu sais, rempli. Fait que, encore là, écoute, j'ai vu des chicanes entre diffuseurs puis producteurs sur le plateau, tu sais. Ah oui. Tu sais, dire, non, on n'a pas le choix, il faut montrer ça. Ben non, moi, je veux pas. Puis, c'est que c'est vraiment, c'est spécial. C'est très spécial. En effet. Puis, je te dirais que c'est étrange, j'ai écouté quelques émissions de télé, puis il assume complètement la pandémie, puis ça fait étrange, autant que l'autre bord fait étrange quand tu sais que c'est tourné en ce moment, mais il n'y a pas de masque, il n'y a pas rien. Puis ouais. Tu vois juste, le monde sont un petit peu plus distanciés que d'habitude, assez pour que tu le remarques, mais pas trop, tu sais, c'est comme étrange un peu. Mais ça, je ne sais pas toi, mais moi, ça commence à s'effacer, la recherche de la distanciation dans une série. Ouais. Par exemple, mettons District 31, une série que j'écoute régulièrement. Au début, je le voyais tout de suite, surtout qu'avec ma déformation professionnelle, je savais même où il avait placé la caméra, puis qu'il utilisait un plan compressé pour combler le fait qu'ils sont à 2 mètres. Mais là, on dirait que ça, je le vois plus, je le cherche plus. Ouais, je pense que pendant un bout aussi, ils faisaient moins. Je pense qu'ils... Et tout simplement, il y avait moins de distanciation même en cinéma, là, parce que... Non, mais il y avait des règlements. Tu avais le droit à 15 minutes. Deux acteurs pouvaient être 15 minutes sur toute la journée accumulés proches, dans une bulle, si tu veux. Il y avait 15 minutes. C'était calculé à la seconde. Il y avait des scripts qui faisaient ça sur le plateau. Ils calculaient chaque seconde quand deux acteurs étaient à l'intérieur de la bulle de 2 mètres, par exemple. C'était suivi. Là. Wow. Pas trop de bloopers, parce que... Oui, c'est ça, faut pas trop faire de prises. Non, un beau petit casse-tête. Oui. Parfait. On va passer aux nouvelles de la semaine, du mois ou de l'année. Hein. On termine, c'est enregistré tout juste avant Noël 2021, donc voici les nouvelles qui ont retenu notre attention. Maxime, tu en avais une? Ah oui, c'est les premières images qui touchent le soleil. Donc, toucher le soleil, c'est un petit peu, c'est quand même un assez grand mot. Vous allez voir, c'est la sonde solaire Parker de la NASA qui est envoyée le 12 août 2018 pour pouvoir aller étudier l'atmosphère extérieure, la couronne du soleil. Et dans l'article, il dit que ça touchait le soleil, sauf que c'est à des millions de kilomètres du soleil. C'est encore l'atmosphère, c'est tellement grand, tellement chaud et tout. Mais quand il réussit à rentrer dans la tournée, le satellite est protégé par un bouclier pour le protéger des rayons et ainsi de suite. Puis on réussit quand même de faire un timelapse de 13 secondes que vous allez pouvoir voir dans le lien, faire quelques photos et ainsi de suite. Donc, c'est assez spectaculaire. C'est sûr que ça fait grande vitrine, le petit magasin des tous le soleil, là, alors que c'est dans des millions, mais quand même, ça reste que... C'est le plus près que... c'est ça. Il n'y a jamais rien eu d'aussi près là, de tourner. Ben, super, merci. D'ailleurs, toutes les nouvelles d'aujourd'hui sont une gracieuseté de petapixel.com, une source intarissable de photos, de nouvelles sur les photos. Donc, ben, faut dire que puis ça aussi, je pense que tu seras d'accord avec moi que ça a été un autre... Un peu, je ne dirais pas le mot frustration, mais il y a eu déjà beaucoup moins de nouvelles aussi en partant, ce qui n'aide pas non plus. Là, ben, depuis notre dernier épisode, en mois de fin novembre, début décembre, il n'y a rien à ce temps-ci de l'année. Même avant, il n'y avait rien. Ouais. Donc, c'est ça. C'est très difficile de trouver des sujets intéressants encore plus. Exact. Et puis, on prend ce qu'on trouve, on prend ce qu'on peut. Oui, il y a eu d'autres nouvelles. Il y a des lancements de petits produits, de trucs comme ça, mais on dirait que c'est ça. Il se passe beaucoup moins de choses. Il y a des problèmes d'approvisionnement, la chaîne d'approvisionnement. ouais. Donc, pour ceux qui cherchent, disons, une PlayStation 5, qui veulent s'acheter une voiture ou n'importe quoi, il y a des ruptures de stock partout, des prix augmentent. Donc, c'est pareil en photo, c'est pas à l'abri. Et d'ailleurs, je pense que c'est Sony pour le nouveau... c'est le nouveau A7R5. En tout cas, il y a un nouvel appareil. A7 Mark IV? Ou le A7 Mark IV, en tout cas, il disait qu'il n'allait pas pouvoir fournir à la demande parce qu'évidemment... Ah non, c'est rendu intense. Quand c'est rendu que tu peux Tu sais, je veux dire, moi, je suis en train de regarder pour un automobile électrique, là, puis c'est 6 mois d'attente à 1 an, puis dans certains cas, jusqu'à 2 ans d'attente pour, ah, oui, pour certaines autos. Incroyable. Puis là, ben, je regardais que ça m'a bien fait rire d'ailleurs. C'est BMW qui livre des automobiles sans écran à l'intérieur parce qu'il n'y en a pas. Fait que tu as ton auto, puis ils disent, regarde, quand on va l'avoir, on va te l'installer. Okay? OK, mais je fais quoi? Je fais quoi pour utiliser mon radio en standard? Parce que maintenant, on s'entend que tout est sur l'écran. Là. Mm-hmm. Ah ben, on va te donner 500$ de moins sur ton auto. Hey, merci. Wow. Non, ben moi, tu sais que j'utilise même pas le Bluetooth pour ma musique dans l'auto. Je le branche encore avec mon fil stéréo parce que je trouve que c'est plus direct. Puis justement, si jamais mon ordinateur de bord ne fonctionne pas pour la radio, etc., si mon écran ne fonctionne plus, ben mon son est branché pareil. Puis merci, bonjour. Là. Donc, je dépends moins peut-être un petit peu de ça. Mais je peux comprendre que, tu sais, je veux dire, en plus, tu t'achètes une BMW ou voiture de luxe, etc., puis là, tu n'as même pas l'écran dedans. C'est un peu frustrant. Mais bref, c'est le quotidien. Oui, Maxime? Ah, mais c'est un peu niaiseux, mais j'ai vu juste avant d'entrer en onde, si on peut dire ainsi, un article qui disait un site à clic de Vancouver. Là. Il disait pénurie de frites au McDo dans la région de Vancouver. C'est la preuve que quand il manque quelque chose du McDo, c'est que toutes les chaînes d'approvisionnement dans le monde sont. Ils réduisaient la portion de frites et, tu sais. Est-ce que ça va revenir au format normal par la suite? On ne le sait pas. Ah oui, ah oui, on va en profiter. Hein, l'inflation, on ne sait pas. Ben oui. Bref. Mais tout ça pour dire, Patrick, tu avais une nouvelle pour les outils de Topaz Lab. Oui, ben, j'en ai parlé un peu la dernière fois parce que j'étais en train d'observer cette technologie-là, notamment pour la vidéo. C'est drôle parce que moi, j'ai fait ça à l'envers. Après avoir trouvé mon sujet, j'ai essayé de trouver une nouvelle qui en parlait et c'était Petapixel qui en parlait. Ah bon, ben tu vois. Puis donc, c'est parfait. Non, hein? Même avec la démarche à l'envers, ça fonctionne. Puis donc, les outils de Topaz Lab, juste pour le rappeler à ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, ce sont des outils qui utilisent l'intelligence artificielle pour réparer que ce soit de la vidéo ou de la photo. Puis je ne sais pas si tu connais, Frank, ces outils-là un peu. Pour la vidéo, c'est Topaz Video Enhanced AI. Puis ça permet de faire passer là, des images endommagées, soit trop compressées ou avec du interlaced ou avec des gros artefacts, puis de restaurer tout ça avec l'intelligence artificielle puis un bon ordinateur. Oui, tout à fait, je connais ça. Oui, ça fonctionne super bien. Puis je venais tout juste d'acheter ça pour un projet. Puis là, ils ont fait leur Boxing Day, pas Boxing Day, le Black Friday, puis le Cyber Monday avec un rabais. Puis là, ils offraient tous les logiciels pour le prix que je venais de payer seulement leur logiciel de vidéo. Donc, je leur ai écrit, je leur ai demandé, hey, est-ce que je peux en profiter moi aussi? Puis ils ont été très chic. Ils m'ont envoyé accès aux 3 autres logiciels photo. Donc, en photo, leur produit, c'est un Topaz Gigapixel qui permet de retravailler vraiment la résolution d'une photo. Puis ça fait vraiment comme du CSI là, ou du X-Files qu'on voyait dans l'ancien temps. Là, ça. Ah oui. C'est hallucinant là, ce que ça peut faire. Il y en a un qui est sur le bruit, vraiment, pour enlever le bruit. Puis l'autre, c'est Sharpen. Et Sharpen permet de ramener des photos hors focus, vraiment nettes. C'est très impressionnant là, comme technologie. Donc, ce sont des outils qu'on peut utiliser gratuitement quand on va les télécharger. On peut les utiliser pendant quelques jours avant de devoir payer la licence. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, de commencer à voir. Tantôt, on parlait de la post-production de notre téléphone intelligent et ce que le téléphone fait lui-même, mais on peut aussi le faire, nous, grâce au logiciel, et garder donc le contrôle sur notre produit fini. Il y a certaines de mes photos sur Instagram. Il y a 2 photos sur Instagram où j'ai utilisé le Gigapixel pour aller améliorer la résolution parce que soit que j'entrais trop dans mon image en la rognant ou que l'image avait été prise avec une mauvaise caméra et une mauvaise luminosité. OK. Donc, ouais. Veux-tu nous dire lesquelles? Oui. Celle qui est dans du haut d'une fenêtre d'hôtel où on voit la ville, puis je dis que je suis en train de faire un time-lapse. Oui. Ça a été pris avec mon téléphone, donc la luminosité n'était pas superbe. Puis j'ai mis le Gigapixel qui a enlevé le bruit, mais qui a aussi redéfini toutes les voitures qu'on voit à l'arrière avec les lumières, l'éclairage nocturne. Donc ça a été traité avec ça. Puis l'autre, attends une seconde, je suis en train d'aller voir en même temps. Pendant que tu cherches, c'est quoi le nom de ton compte, mon cher? C'est Patrick Pilon. Donc, parfait. Simplement. Mon nom, tout simplement. Ça donne l'occasion à tout le monde qui nous écoute d'aller voir en même temps aussi. Oui. Oui, c'est ça. L'autre que j'ai retraité, c'était en Cappadoce, puisque cette photo-là avait été prise avec la Galaxy Caméra là, Android avec objectif interchangeable. OK. Cet appareil photo que j'avais à l'époque, puis la résolution n'était pas très bonne. Donc, j'ai aussi mis le gigapixel, puis le sharpen aussi. OK. Mais ça se trouve être laquelle? On voit quoi sur l'image? On voit une montagne blanche. Oui. Ça s'appelle oui, Cappadocia. Okay. Ouais. C'est ça. Cappadocia. OK, parfait. Oui, ouais, c'est parce que sur la version web, je ne voyais pas, je voyais pas rien d'écrit, là. C'est vrai, sur le téléphone, en scrollant, je l'aurais vu, mais sur la version web, il n'y avait que les photos. Curieux de voir l'original. Je sais que le résultat que là est très bon, là, mais je serais vraiment curieux de voir l'original. Ben, c'est ça qui est merveilleux, c'est que ça paraît pas. C'est... Non, ouais. Vraiment pas. C'est... Ben, moi, je trouve ça génial. Instagram aide aussi. Les photos sont 800 par 600, c'est sûr, 800 c'est pixels. Là. Oui, donc, c'est clair que dès que tu as 800 par 800, tu es correct à ce niveau-là. Puis, tu sais, si tu la publies sur Facebook, Facebook va la compresser et la scraper de toute façon. Fait que le résultat, on le verrait sur Flickr, 500px ou un site comme ça. Et là, on pourrait vraiment en juger mieux. Mais de toute façon, si tu as l'intention seulement de publier sur Instagram, ben c'est parfait parce que la photo est vraiment belle. Puis, on pourrait pas dire que ça a été retouché. Là, donc, ben, je dirais que l'autre, ça paraît peut-être un petit peu plus si tu fais du pixel peeping. Là, si tu zoomes vraiment... tout est un petit peu trop lisse. C'est ça qui est le plus gros problème dans ton décor arrière. Là. C'est un peu lisse, mais je veux dire, si tu regardes juste la photo, ça paraît pas du tout. Là. C'est vrai. C'est vraiment intéressant de voir qu'on s'en rend compte, mais il faut aller pousser plus loin avec le zoom. Parfait. Ben, merci pour la nouvelle. Donc, Topaz Labs, pour ceux qui sont intéressés, il y a une version d'évaluation des trois logiciels, c'est ça? Oui, les quatre, en fait. Les quatre, même la version vidéo, on peut l'évaluer à la maison. Bon, donc, c'est super. Un vieux clip à revigorer, là. Mm-hmm. Écoute-moi, c'est ça qui m'a jeté à terre, tu sais. J'ai vu des vidéos qualité VHS là, qui ont été upscalées, qui est le terme technique là, pour dire qu'on va rendre la résolution équivalente à HD ou Ultra HD, 4K, à partir d'une vidéo VHS, l'intelligence artificielle devine, va fabriquer ce qui n'existe pas. C'est fascinant. Ça donne vraiment, comme en photo, là, ça donne des super résultats. Puis c'est fascinant. En vidéo, ça donne un effet encore plus intense parce que j'ai vu des vidéos tournées dans les années 20, 30, que ça enlève l'effet cinéma. Tu sais, carrément, il enlève ces 24 images secondes qui deviennent 30 ou 60 même. Fait que là, tu te retrouves avec un effet vidéo là, super crisp, là, tu sais, ce qu'on appelle en télé le mode soap opera. Là. Tu sais, quand tu achètes une télé puis il y a un mode de scanning qui fait que le progressif disparaît, ça devient la vidéo... Tu as le malheur d'écouter un film... N'importe lequel, je dis Batman, par exemple, qui dans ce mode-là, écoute, tu veux, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, comment ils ont C'est la première chose que je désactive sur une TV, une nouvelle série. Oui, parce que ça a l'air, justement, tu vois, on dirait que tu es vraiment dans un décor. Ben, en fait, on dirait que c'est tourné avec une caméra vidéo, donc d'où le terme soap opera, tu sais. Une autre image seconde qui change tout ça, dans le fond. Là. Comment? C'est le nombre d'images secondes qui change tout ça. Exactement, exactement. Secondes, puis la façon que c'est affiché aussi. L'interlace et le progressif, c'est deux façons d'afficher une image à l'écran. Interlace, c'est une ligne paire, une ligne impaire. Donc, le refresh de l'image se fait plus, comment je pourrais dire, naturellement. Puis progressif, c'est une ligne à la fois. Mais comme le curseur qui dessine l'image doit faire une image complète sur une seconde, puis l'interlace le fait sur... il fait 15 lignes dans une image puis 15 lignes dans l'autre. Ouais. Écoute, c'est toute technique, ça, mais ça devient plus aux yeux, moins... ça fait moins cinéma, l'effet, quand on est en interlace. Mais là, je ne rentrerai pas là-dedans. C'est un peu plat. Non. Parfait. Donc, de mon côté, PetaPixel a fait des prédictions de lancement de boîtiers pour 2022. Voici la liste rapidement. Il y a Canon de son côté qui vont lancer au moins deux boîtiers, dont le EOS R5C et possiblement un modèle RF APS-C. Donc, ça sera à voir. Puis, il y aura le EOS R1, mais possiblement seulement pour 2023. Donc, à suivre de ce côté. Canon qui va enfin abandonner sa série M parce que c'était de la bouette en bon québécois, cette série-là. Hein, ça avait pris 6 modèles avant qu'ils réussissent à faire un appareil sans miroir digne des premiers sans miroir de Sony ou de Fuji. Ben, ils sont partis en retard de tout le monde. Ils sont partis en retard, mais ils faisaient des mini-itérations à chaque fois. Puis toujours sur un modèle de base qui n'était pas intéressant pour personne. En tout cas, ils ne voulaient pas aller dans le marché, c'était clair. C'était... C'est ça. On était forcés d'y aller, on va le faire, là, mais c'était à reculons. Oui. Ou on aurait dit qu'ils faisaient ça exprès pour dire, regardez, c'est pas si bon que ça, le sans-miroir. T'sais, comme si les gens n'allaient pas voir les autres marques, qu'est-ce qu'ils étaient capables de faire. Je ne comprends pas, c'était vraiment bizarre comme façon de procéder. Mais enfin, la série M meurt de sa... Je ne dirais même pas de sa belle mort, parce que elle n'a pas eu une belle vie. prédiction aussi, il y aura de plus en plus d'appareils sans déclencheur, shutterless camera, parce qu'avec le Nikon Z9, cette année, a amené des changements assez importants, dont le déclencheur physique. Donc, c'est même plus un déclencheur physique, c'est un déclencheur électronique. Et ça change... Ça change la donne pour pas mal de monde, apparemment. Je n'ai pas pu l'essayer, mais apparemment que c'est quand même assez tellement intéressant que d'autres fabricants vont s'en aller, vont emprunter cette avenue-là. C'est quoi au juste? C'est la première fois que j'entends parler de ça. Ben c'est ça. Donc, je n'ai pas vraiment lu sur le dossier, mais apparemment que ce petit déclencheur-là permet de... J'espère que ce n'est pas en clignant des yeux parce qu'il là, là il... Non, il mais ça doit être. Non, c'est qu'au lieu d'être physique, c'est juste digital. C'est ça que ça doit être la différence. Quand tu appuies sur le déclencheur, tu n'as pas un déclenchement physique, c'est un déclencheur numérique. Ah, je comprends. Je pensais que c'était une autre façon de déclencher avec une gesture, un mouvement de la main. Tu as ça avec les téléphones et même peut-être certains appareils photo, mais vraiment un déclencheur, un bouton qui ne fait plus un déclenchement physique, mais qui est devenu un bouton numérique, là, finalement. Je comprends. Ouais. Donc, parmi c'est les pas autres mécanique. Prédictions... Non, c'est ça, c'est pas mécanique. D'ailleurs, il y avait déjà l'obturateur qui était plus mécanique toujours, tu avais numérique, qui permettait un paquet de trucs. Là. Il y a des appareils Sony que tu n'as même plus l'espèce de portion noire là, quand le rideau se ferme, etc. Ouais. Le rideau numérique, effectivement. Mm-hmm. Donc, tu pouvais récupérer un paquet de photos que, quand tu faisais des rafales, tu n'avais pas un effet de mouvement dedans. Je ne me rappelle même plus comment ça s'appelle. Je ne sais pas si c'est la même chose qu'en vidéo, mais on appelle ça Global Shutter. Rolling Shutter. Ouais. Le Rolling Shutter. Rolling c'est Shutter. Ça. Ouais. Oui. Parce que si tu prenais, mettons, un train avec des lampadaires, des trucs comme ça, il y avait l'effet de, ouais. de que c'était c'est la croche même chose. Un peu. Ouais. Donc, voilà. Il y aura des caméras haut de gamme qui vont être moins chères. Le prix va diminuer, mais pas toute la panoplie qui se trouve, pas toutes les marques. Mais on va voir des appareils de plus en plus performants, finalement, qui vont être plus abordables, donc à meilleur prix. Évidemment, si la chaîne d'approvisionnement se rétablit. Il y a aussi la série EOSM, paraît-il, qui ne sera pas trop chère en 2022. Oui, effectivement, des liquidations à prévoir. Oui, donc, pour ceux qui possédaient peut-être une version précédente, ben, peut-être faire une mise à niveau pas chère à ce moment-là. Il n'y aura plus d'appareils Foveon de Sigma en 2022 non plus. D'ailleurs, donc c'était un appareil intéressant, ça, qu'on avait testé il y a de nombreuses années. Même François, je pense que tu l'avais essayé, ça fait longtemps, là. Mais... Attends, laisse-moi regarder mes notes. Oui, non, c'est ça, à l'épisode... l'épisode 8 ou 18, non, je sais pas. côté Sony, ben la conception des boîtiers ne devrait pas changer parce que ça fonctionne bien, c'est très populaire et très fonctionnel. Puis sinon, bien, une autre prédiction que j'aime bien et que Patrick devrait aimer, il y a un autre fabricant important qui va faire un autre appareil photo qui tourne sous Android et qui va échouer. Non, on va l'avoir un jour. Peut-être. Mais il y a Zeiss qui avait essayé avec le ZX1 et finalement... Bon, c'était peut-être le prix de 6 000 $ américains qui n'a pas aidé, mais c'est disparu quand même sans grande fanfare. François disait, j'utilise beaucoup plus mon téléphone maintenant, là, mais je pense qu'il y a quelque chose qui va se passer là, un jour. Puis quand l'appareil photo va devenir aussi agréable à utiliser que le téléphone de manière spontanée, disons, là, mm-hmm. parce qu'il y a beaucoup de côté agréable, je pense que là, les appareils photo Android vont commencer à être plus populaires. Moi, je continue à y croire. On est juste encore en avant. En effet. C'est pas le Favéon qu'on a fait, mais le Sigma, c'était le DP3 Merrill qu'on a fait en l'épisode 27 en 2013, juste merci comme ça. Merci, Christian. Je savais que c'était 2012-2013. Ah, ça faisait longtemps. Ça faisait très longtemps, je m'en rappelle. Wow, 27, OK. Super. Et grande nouvelle, parce que justement, maintenant que Canon a compris que l'avenir était dans le sans-miroir et non pas dans le M, mais dans le plus haut de gamme un peu, les appareils plus performants, il semblerait que Canon et Nikon ne feront plus d'appareils réflexes de DSLR. Donc, à suivre, mais il y a beaucoup d'objectifs qui sont discontinués, donc qui ne seront plus fabriqués, les boîtiers, même chose. Donc, c'est l'ère du sans-miroir est vraiment arrivée et plus moyen d'y échapper. Que vous trouvez, vous, qu'il y a encore un avantage à utiliser un miroir? Bien, pas nécessairement, mais le gros avantage des appareils réflexes, je trouve, c'était l'autonomie, la durée de vie de la pile qui te permettait de prendre 1500 photos facilement. Alors que là, si on en fait 500, 600, 700, on est chanceux. Donc, on parle, tu sais, d'au moins le double ou le triple de durée de vie, là, d'autonomie. Moi, juste ça, tu sais, je me rappelle encore quand j'avais mon Canon 60D, 50D, je ne sais même plus, 60D. J'adorais l'autonomie parce que tu pouvais partir, tu disais, oh, je pars pour la journée faire de la photo, tu ne regardais même pas ta pile était à quel niveau ou à peu près parce que tu savais que tu l'avais chargée il y a 2-3 semaines. Tu ne peux plus faire ça. Moi, j'avais une poignée avec deux batteries, fait que oublie ça, moi, je n'y chargeais jamais. Mais tu posais la question, l'autre chose que je pense qu'on va manquer du DSLR, c'est le côté marché usagé. Parce que je ne dis pas qu'il n'y en a pas du côté sans miroir, mais c'est probablement moins gros que c'était. Puis, tu sais, tu pouvais même aller chercher des objectifs assez vieux qui étaient quand même bons pareil, puis qui, tu sais, qui te permettaient d'avoir quelque chose d'intéressant, mais là, ce côté-là est un peu mort. Mais encore là, ça dépend ce que tu veux faire avec, parce que moi, tu sais, j'utilise mes vieux objectifs Minolta que mon père utilisait dans les années 80. Puis, en autant que tu t'attendes à avoir à faire la mise au point manuelle. Bien, tu as ça, mais ça te rajoute un adapteur. Puis là, bien, puis ça, c'est un adapteur parce que tu as Minolta, mais là, tu as Minolta, tu as Sony, t'as Canon, tu as Nikon, tu sais, tu as tout ça. Là. Je ne dis pas que tu as tort. Tu n'as pas tort, définitivement. Il y a moyen de s'arranger, mais c'est pas. C'est un peu. Oui, ça complique un peu la chose, là, c'est clair. Puis, bon, l'idéal, c'est d'avoir le moins d'adaptateur et d'extension possible entre l'objectif et le boîtier, là, on s'entend. Mais je m'ennuie pas du poids, ça. Non, il y a ça aussi, tu sais, c'est sûr. C'était un gros avantage. Il n'y a pas beaucoup d'avantages. Je pense que je suis un peu d'accord avec toi, Steph. C'est pas mal le seul avantage que je vois, c'est l'autonomie. À part ça, my God, ça s'améliore de plus en plus. Ben oui, Maxime, juste avant, il y avait le viseur, qui était un viseur optique et que tu pouvais voir plus facilement. Ben là, maintenant, ils sont rendus plus performants, disons, dans l'obscurité, mais au départ, quand tu avais un viseur électronique, s'il faisait noir, ben tant pis pour toi. Là. Ouais, c'était vraiment pas fameux, je m'en rappelle. Non, c'est ça. Mais parce qu'avec un viseur optique, tu te disais, mon Dieu, je vois vraiment bien, donc je vais pouvoir la prendre quand même, la photo. Effectivement. Ouais. Maxime? Le plus grand avantage des appareils avec miroir, c'est de faire les portraits de vampires. Des appareils sans miroir, tu veux dire? En fait, oui, c'est ça que j'allais justement dire. C'est, tu t'es trompé là-dessus, tu vois, tu peux même pas. Il n'y a même pas cet avantage-là. Fait que, il y a juste les vampires qui les aimaient, c'est ça. C'est ça, c'est les vampires chez Canon qui tenaient à mordicus à ce que ça reste du côté de... des réflexes. Bon, trêve de tergiversation. Christian, veux-tu nous parler un peu plus du Pixel 6? Ça serait un bon moment, je pense. Ouais, ben je ne rentrerai pas dans les gros détails. Comme je vous dis, je vais parler surtout du côté appareil photo, ben un peu de la pile, etc. Là, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, ben il se fait en deux formats. Moi, celui que j'ai, c'est le Pixel 6. Ce n'est pas le Pixel 6 GC Pro. Parce qu'il est un petit peu plus petit. Ce que moi, personnellement, je préfère. 6,4 pouces, c'est une bonne grosseur, ça. Je n'ai pas besoin de plus gros que ça. La seule chose que je dirais que moi, je manque versus le plus gros modèle, c'est qu'il y a l'écran, le rafraîchissement, le taux de rafraîchissement à 120 Hz. Moi, j'ai 90. Honnêtement, là, c'est bien correct. Là. Moi, je sais qu'il y en a pour qui c'est mortel là, de faire ça. Moi, pour moi, c'est bien correct. Là, parce que ce que le monde pense, c'est qu'il y a aussi le fait que ça l'empiète sur ta batterie aussi. Là. Mm-hmm. Avoir un écran à 120 Hz tout le temps, c'est pas ce qu'il y a de plus génial. Là. Fait que 90, pour moi, c'est bien en masse. Ouais. Cela dit, je dois dire que les photos avec, très impressionnantes, quand ils sont post-produites, parce que c'est très évident quand on les voit souvent prises sur le coup, la photo n'est pas belle, puis tout à coup, elle te revient à l'écran, puis elle dit « Hey, elle est donc bien belle tout à coup! » Mais bon, on est rendu habitué, c'est l'air, là, c'est ça. Je trouve que la barre de photo de la caméra, elle est vraiment grosse. Franchement, là, c'est vraiment pas petit. Ça prend absolument un case, moi, je trouve, avec, parce que sinon, c'est massif, là. Sincèrement, là, ça dépasse. Question prise en main, tout ça, ça va super bien. La pile est très bonne. Je n'ai pas de misère à faire un journal complet avec, un petit peu plus. Pas tant, par exemple, mais ça fonctionne bien. J'ai un petit peu de problème avec le fingerprint reader, le lecteur d'empreintes sous l'écran. Je dirais qu'il faut vraiment qu'il soit bien placé parce que c'est pas fantastique. Là. Tu vois, regarde, je viens juste de l'essayer, puis une fois sur deux, ça n'a pas marché. Je déteste les lecteurs sous l'écran parce que tu n'as pas de repère physique pour mettre ton doigt. Tu en as un parce qu'il te le montre. Il te le montre vraiment où c'est que tu le mets. Quand il fait noir, là, ou tu sais, quand t'as pas. Moi, là, avec mon ancien LG V20, dont j'ai parlé super longtemps, puis le Pixel 2 ou peu importe, qui avait le lecteur aussi, d'empreintes. À l'arrière, tu savais où mettre ton doigt. Ouais, ça, c'est ton cou, là. Exact. Mais depuis, tu sais, j'ai des Samsung depuis plusieurs années, c'est tout sous l'écran. Oui, il te montre où mettre ton doigt, mais encore en plein jour, peu importe, des fois, tu le mets un peu croche, ça n'a pas lu ton empreinte. Ouais. Je trouve ça. C'est pas parfait. C'est pas parfait. Je trouve que. Puis, tu sais, je veux dire, si tu le compares à. Tu sais, le Pixel 4, Pixel avait ses défauts. Je dis pas le contraire, mais c'était reconnaissance faciale. Honnêtement, ça allait beaucoup mieux que celui-là, même s'il avait ses ratés de temps en temps aussi. Le temps de réaction est plus rapide. Tu sais, c'est sûr, là, on se plaint de rien. Là. Je vais être honnête. Là, parce que, tu sais, si tu payes sur le bouton, oui, c'est un petit peu plus long d'avoir débarré ton téléphone. Sincèrement, là, regarde, c'est vraiment pas la fin du monde. Donc, c'est ça. Puis, tu sais, c'est la première fois que Google fait son propre CPU. De ce côté-là, ça semble être une assez bonne réussite, assez puissant. Tu sais, je veux dire, on se promène, on utilise le téléphone, c'est rapide, c'est tout réagit rapidement. J'ai essayé quelques jeux avec, ça fonctionne super bien. La pile, ce qui était le côté que je me posais peut-être plus la question, ça fonctionne bien aussi de ce côté-là. Fait que, pour vrai, tu sais, il vient avec 128 gigabytes de data, de stockage, qui est correct. C'est le minimum, c'est bien. On s'en plaindra certainement pas. Puis, ben c'est ça, il y a trois objectifs dessus. Il y a un objectif de... Je ne veux pas me tromper. C'est 50 mégapixels f1.9 qui est le wide à 25... Oui, c'est ça. Le 12 mégapixels à f2.2 de 7 mm qui est le ultra-wide. Puis là, il semble avoir une erreur dans mon affaire. Il m'en manque un. En tout cas, un zoom probablement à 50, ouais, 52 mm. C'est ça. Ben, le ultra wide ou ultra grand angle à 17 mm, il est moins large que les Samsung qui sont à 13 d'habitude. Je ne peux pas comparer avec d'autres marques. Je n'ai pas les chiffres en tête. Mais c'est quand même bon, assez large, mais c'est moins large que plusieurs appareils que j'ai vus. À 25, ouais, c'est 114 degrés. Ouais, c'est ça. L'ultra wide, c'est 114 degrés. OK. Je suis allé ailleurs. Là, Oui, le 6 n'a pas de télé, je pense. C'est le 6, c'est l'autre modèle que le télé. Oui, le 6, c'est là aussi. Il y a les trois mêmes objectifs sur les deux. Okay. Ouais. Ouais. Okay. Ça donne un zoom 2X. Ça donne un zoom 2X, dans le fond. C'est ça qu'il dit. C'est pas mal ça. La norme. Là. Tout le monde a un ultra wide, un normal, puis un zoom 2X qui tourne autour de 50-52 mm à peu près. Donc, c'est bien. Puis le processeur, c'est TensorFlow, je pense. Ouais, Tensor. Oui, Tensor. Tensor. Mm-hmm. Donc, puis qui inclut l'intelligence artificielle, exact. Et tout ça. Donc, puis, c'est quand même. Ça, c'est d'ailleurs un petit point que tu mentionnes que je voulais arriver. Il y a, je sais que Google en a fait un gros bruit par rapport à ça, où est-ce que tu as une fonction pour pouvoir effacer des choses sur ta photo par après grâce à l'intelligence artificielle. Est-ce que ça fonctionne bien? C'est hit and miss, je dirais. Tu sais, on voit j'ai vu souvent la publicité sur YouTube, puis tu vois, il y a un gars en arrière, puis il l'efface. Oui, mais le détail, c'est que le gars dans la photo, ce qu'il efface pas, c'est l'ombre. Parce qu'il n'y a pas d'ombre, le gars. Fait que c'est super facile de ne pas effacer un ombre. Quand il n'y a pas d'ombre, l'effacer est facile. Le gars, il disparaît, c'est vrai. Mais l'ombre reste à terre. Mais là, ça s'est amélioré. Ça s'est amélioré récemment. J'ai vu qu'il y a des mises à jour. Il commence à pouvoir te donner un deuxième coup. Là, tu peux effacer l'ombre. Tu sais, comme là, j'ai pris une photo cet après-midi, justement, au parc de la Jacques-Cartier. Puis il y avait une automobile dans ma photo. J'ai pu l'effacer, puis j'ai pu effacer l'ombre qu'il y avait en dessous. Okay. Là, le résultat est pas mal. Mais encore une fois, c'est de la neige. C'est facile, le pattern est facile pour l'ordinateur à retrouver. Ouais. Mais tu as des choses, des fois, si c'est un motif. Si c'est un motif un peu complexe, l'ordinateur n'est pas capable de le reproduire. Mm. Ça, c'est sûr et certain. Puis il s'essaye, puis des fois, c'est drôle quasiment le résultat. D'autres fois, c'est presque correct tant que la photo reste petite. Là, si tu zoomes le moindrement, puis tu n'as pas besoin de zoomer bien gros, tu vas faire comme non, il y a quelque chose qui ne marche pas dans cette photo-là. Là. C'est clair. Ouais, là. Ouais. Mais je te dirais que c'est, comme je te dis, il y a des affaires que ça s'efface bien, puis il y a d'autres affaires. Si le fond est assez neutre, assez constant, ça s'efface quand même pas si mal. Si moindrement, il faut qu'il fasse beaucoup, beaucoup de prédictions à savoir ce qu'il voit en arrière, le résultat ne sera pas bon, c'est sûr et certain. Mm. Là. Mais quand même, tu sais, ça peut être intéressant. Puis, encore une fois, ça dépend ce que vous voulez en faire. Si c'est juste pour partager entre amis puis des affaires comme ça, si vous voulez juste enlever une petite affaire, c'est pas grave, il n'y a personne qui va le remarquer, c'est pas vraiment grave. Mais c'est pas aussi magique que les annonces le montrent, comme d'habitude. Ah non! Non, je ne surprendrai personne. Les publicités ne montrent pas la réalité bien souvent. OK. Non. Mais ça reste quand même un téléphone Android très solide, là, franchement. Ouais. Super bon. Là. Moi, je ne peux pas me plaindre, là, franchement. OK, ben super. C'est ça. Merci beaucoup. Ben, ce tour d'horizon du Pixel 6. Si vous voulez le savoir, comme je dis, je vais le partager dans pas long là, sur mon compte. Sur le blog de Best Buy. Exact. Parfait. Exact. On va mettre le lien dans les notes d'épisode dès que ça va être disponible. Et ça va probablement l'être de toute façon au moment de diffuser l'épisode. Donc, vous irez voir tous les détails, des photos de produits et une vidéo de la face de Christian qui nous explique. Ah, j'aime tellement ça, faire des vidéos. Là. Parfait. Puis, on a une suggestion, mais l'épisode n'est pas fini après ça. Restez après la suggestion. Maxime, tu nous parles de NFT comme dans Non-Fungible Tokens, hein, le jeton non-fongible qui ont rapport avec la crypto-monnaie, etc. Mais qu'est-ce que ça fait un NFT? Qu'est-ce que ça mange en hiver? On en a parlé rapidement à l'épisode 177, mais là, tu as une vidéo qui explique ça mieux. Hein. Oui, exactement. Je ne vais pas en parler. Puis, c'est pas parce que l'objectif numérique ça termine maintenant que le monde de la photo cesse d'évoluer et ainsi de suite. Le NFT, c'est un peu le futur. Oui. Puis, je lis tout le temps un peu, j'écoute tout le temps. Tu sais, je comprends, mais j'ai de la misère à l'expliquer en quelque sorte. C'est pas quelque chose qui s'explique en 45 secondes, en quelque sorte. Je trouve sûrement. On va peut-être y arriver à un moment donné. Moi, je pourrais l'expliquer en 10 secondes, mais c'est sûr qu'il manque l'information, mais je peux faire un résumé en 10 secondes, c'est quoi un NFT. Mais. Je te laisse parler de ta vidéo. Ah non, c'est justement ça. Donc, j'expliquais pas c'est quoi un NFT. C'est un YouTuber français qui s'appelle Léo Duff qui a 334 000 abonnés. Puis dans sa description, c'est « parle de high-tech mieux que Bill Gates ». Donc, je ne sais pas si c'est vrai qu'il parle mieux que Bill Gates de high-tech. Rien de moins. La vidéo NFT qui dure 8 minutes, mais 7 minutes en avant son commanditaire publicité, explique parfaitement qu'est-ce que c'est de façon très imagée et tout. Puis, comme des commentaires, il disait à cette heure, quand le monde me demande d'expliquer c'est quoi un NFT, je donne le lien. Ça l'explique mieux que moi. Parfait. Donc, vous allez pouvoir voir ça là. Excellent. J'ai même eu à faire un article, moi aussi, là-dessus. Mm-hmm. C'est pas évident, j'avouerais. Ben, je suis toujours pas convaincu. Ben, c'est pas que c'est pas évident. Je suis toujours pas convaincu de qu'est-ce que ça vaut vraiment. Je comprends pas trop l'intérêt pour être. Oui, ben, moi, je te dis, ça vaut quelque chose si tu achètes une œuvre d'art quelconque et que tu veux avoir une preuve immuable que c'est toi le propriétaire. Parce que c'est un reçu, c'est ta facture numérique. Ouais, mais le problème, c'est que tu n'as pas de droit avec. C'est là qu'il y a le gros flou. Ben, ça prouve ta propriété de l'œuvre. Ouais, je sais, mais quelqu'un peut continuer. En tant que tel, là. Non, mais quelqu'un peut continuer à la recopier puis à faire ce qu'il veut sur Internet, puis tu peux pas leur demander rien en conséquence. Ben, c'est ça le problème du NFT. Ouais, c'est sûr que le côté judiciaire n'est pas encore assez développé. Non, c'est ça. Donc, c'est non, sûr que mais peu importe, quand tu. Mettons, si tu es l'auteur d'une photo, là, c'est toi qui as pris la photo. Là, tu as des droits, tu as des recours, mais si moi, je te vends une de mes photos, Christian, puis que là, whoop, tu retrouves des copies sur Internet, tu n'auras pas plus de droits parce que tu possèdes la photo que je t'ai vendue. On ne peut pas faire d'argent avec tes photos. Non, mais tu pourrais demander à ce qu'elle soit enlevée ou quoi que ce soit. Or, tu ne peux pas le faire avec un NFT. C'est là qui est un peu le... Oui, mais je fais une photo de mon sapin de Noël. Là. Tu la trouves vraiment belle, puis tu me l'achètes 500$. Tu l'as acheté, la photo, là. Elle t'appartient. Mais là, tu en retrouves des copies sur Internet. Tu ne peux pas plus faire valoir tes droits. Tu as beau avoir une facture du photographe là, qui dit « Je t'ai effectivement vendu cette photo-là. » Je ne suis pas en désaccord avec toi, mais ça ne me donne pas l'intérêt de payer pour quelque chose que je n'aurais pas plus. Non, mais c'est ce que je te dis. T'aurais pas... Les gens qui font ça, c'est tout simplement pour... En ce moment, là, c'est pour flasher, c'est pour dire... Voici, ben oui. Je possède ce truc-là. C'est un reçu numérique qui ne peut être changé par qui que ce soit parce que ça se retrouve sur la chaîne de blocs, donc dans un registre immuable sur Internet. Et c'est tout simplement ça, un NFT. C'est que, oui, il y en a qui vont dire, j'ai acheté un NFT qui représente une image, un JPEG, là, la fameuse roche. Là. Ben, ouais. Ils vont dire, OK, je possède la roche, mais tu n'as pas acheté... Tu sais, le NFT en tant que tel, c'est juste ta preuve d'achat. C'est pas la roche en tant que tel. Là. Bref, vous regarderez la vidéo de 7-8 minutes. Ah non, mais moi, je comprends tout ça. Comme je te dis, le bout que je comprends pas, c'est de payer, mettons, exemple, comment j'ai vu, c'est 500 quelques mille pour un gift du Nyan Catch. Comme, non. Oui, mais ça, c'est ça. Mais c'est qu'il y a des gens qui veulent flasher. Il y en a qui ont acheté le premier texto qui a été envoyé, qui était « Merry Christmas, Joyeux Noël » pour au-dessus de 100 000 $ Mais c'est que la personne veut flasher en disant « Regarde, c'est moi qui possède ce texto-là. » Comme si on ne pouvait pas texter « Joyeux Noël » à qui que ce soit. T'sais. Mais il y a la preuve que lui, il possède maintenant le texto envoyé en je ne sais plus quelle année. Ouais, je sais, mais... Flasher ça en ce moment. Mais il va avoir des utilités et des choses qu'on va pouvoir faire avec les NFT parce que ça demeure une preuve immuable que tu possèdes quelque chose. Donc, jusqu'à temps qu'ils trouvent le moyen de la hacker puis de la crisser à terre, par exemple. Mais bon, ça... Non, parce que... Non, je sais, je n'ai pas besoin de m'expliquer blockchain, je comprends tout ça. Ce qui ne veut pas dire... J'ai tellement de choses qui ont dit « Non, ça ne se touchera jamais, il n'y a jamais rien qui va arriver. » Non, c'est possible de le faire. C'est juste plus complexe, étant donné clairement. Le nombre de nodes ou de points que tu dois hacker pour pouvoir le faire. C'est pas juste « J'ai hacké un serveur avec un mot de passe, il faut... » avoir accès à plusieurs nodes ou simuler plusieurs nodes, et là, ça devient vraiment complexe. Mais bref. Moi, si je peux intervenir, je pourrais donner un exemple de ce que moi, j'ai vu puis que je trouve qu'il va faire le plus de sens. Quand on va être tous dans le métavers, ça s'en vient, je ne sais pas, à partir d'une dizaine d'années, peut-être. Là, je dis un chiffre comme ça. Je sens que 10 ans, ça s'en vient vite, tu vas voir. on va là, tu vas commencer à décorer ta maison, t'acheter des vêtements parce qu'on va devenir avoir un jumeau dans le métavers. Oui. Exactement. Ben, si je veux accrocher un cadre que je trouve beau, que je trouve dans telle boutique, il faut que je l'achète. C'est un NFT. Oui. Il m'appartient. Il va peut-être avoir une édition limitée. Il va peut-être en avoir juste 100 à vendre. Fait que c'est là que tu fais comme, OK, là, j'ai quelque chose qui, si ça se fait copier, ben c'est comme n'importe quel T-shirt aujourd'hui que tu peux copier. Les T-shirts vu harnais là-dessus. Oui, c'est ça, vu harnais. Fait que c'est ça, c'est le côté plus que je vois que, bon, il va avoir des utilités. Attends. Tu as 100% raison dans ce que tu dis. C'est justement pourquoi je veux absolument pas aller dans cette direction-là. Ah. C'est en plein ça, justement, parce que là, tu es en train de dire, dans le fond, c'est les microtransactions des jeux vidéo que le monde y chiale comme incroyablement. Ah oh, ben oui, on va le faire, mais pour la vie au complet. Non, c'est parce que le système est prouvé comme efficace. Oui. Ouais, mais c'est pour ça que j'embarquerai pas dedans, moi. Mais c'est ça, tu sais. Ah, c'est enregistré, hein, cet épisode. Pas de problème. Si tu savais comment que j'ai deux chialeux ici, l'un qui est là, puis l'autre qui est là, qui veulent que je leur achète plein d'affaires en ligne, puis je suis comme « nope ». Ah non, mais nope. C'est pareil, moi aussi. Je garde le... Parce que t'as... justement, ce qui m'écœure, c'est que t'as pas... C'est rien de tangible, en réalité. Les fameux skins de personnages en Fortnite, voilà. etc. Voilà. Oui, mais les NFT s'en viennent là. T'as des NFT NBA Top Shots, t'en as plein. Mais ça va devenir aussi... Regarde, excuse Stéphane, excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y. Ben, Christian, tu vas recevoir là, dans 10-15 ans, tu vas recevoir un client là, chez toi dans ton monde virtuel, puis tu vas vouloir que ça soit beau. Mais moi, là, je dis à mes gars, jouer à Fortnite, là, ben, prenez le skin ordinaire, ça ne change rien, tu vas être aussi bon que toutes les autres pareils. Je ne suis pas de même, moi, je suis sérieux, ça, j'embarque pas là-dedans. Zéro open bar. J'ai compris, mais je suis dans le genre à ne pas vouloir y aller tant qu'à avoir à payer pour. Ah, tout à fait. C'est à ce point-là, là, moi. Je me suis lancé dans 10-15 ans, 20 ans, là, c'est sûr. C'est... Non, mais ton analogie, François, ben, ce n'est même pas une analogie, c'est un exemple parfait de ce qui va se produire dans quelques années. Moi, c'est je ça pense qui s'en que... vient. Et d'acheter des parcelles de terre, des buildings, des trucs dans le métavers, ça s'en vient, c'est déjà commencé. Oui, exact. Et il va y avoir des surenchères. Je suis allé voir. Il y a 3 mois, c'était achetable, puis plus là. Ouais, c'est ça. C'est hallucinant. Mais ça existait déjà, tout ça. Oui. C'était Second Life. Second Life, oh, oui. Exact. C'est ça, hein? Avec non, dollars, la question, c'est quel métavers va prendre dessus? Ça. Ben parce, là, que, parce que là, c'est le Far West, tout le monde exact. Peut dire, moi, je m'essaye. Tu sais. Mais ça, c'est un autre problème qui n'est pas mineur. Parce que là, je veux dire, oui, si chaque logiciel a son... Chaque univers a ses propres NFT. Où est-ce qu'ils vont être définis? Comment ils vont être définis? Sur quelle blockchain? Ça va devenir un astique de foutoir total et complet. Là, c'est pas tout le monde qui est honnête avec les blockchains non plus parce qu'il y en a qui sont fermés puis qu'il y en a qui se sont fait avoir. Il y en a sorti un, le Squid Games, puis finalement, tout le monde qui a investi là-dedans sont tout fait avoir. Ah oui, j'attends ça. Oui, fait que, oui, mais ça, on parle pas de NFT, on parle de jetons ou de crypto-monnaie. L'un, il va avoir des univers qui vont fermer leurs portes parce qu'ils vont dire qu'ils sont plus rentables ou peu importe. Exact. Mais ils vont avoir quand même empoché de l'argent. Exactement. Puis je veux dire, l'item que tu as acheté dans ton métavers ne servira plus à rien parce c'est que pas transférable, c'est ça. Exactement. C'est exactement ça qui est le problème. T'sais. Mais bon, c'est un gros sujet très, très lourd, disons, celui-là. Oui, pas juste ton item, ton terrain. Exact. Tu décides d'acheter un terrain aujourd'hui dans un métavers qui va être acheté par un. Parce que c'est souvent ça qui arrive, là. 10, 15, 20 compagnies qui startent, puis les plus gros mangent les plus petits. Tu te ramasses avec deux, trois compétiteurs pour finir. Ouais. Ça va-tu être transférable? Tu vas-tu perdre? Il n'y a aucune garantie. Exactement. On va tout être rendu dans Ready Player One, là, puis ça va être aussi déprimant. Oui. on s'en va vers là. Ben, l'extérieur ne sera peut-être pas aussi déprimant. Pour le moment, il n'y a pas eu comme d'apocalypse. Nucléaire ou autre. J'aime ton « pour le moment ». Oui, ben c'est ce que je dis. Je suis quand même optimiste. oui, vraiment. mais pour revenir à la photo, tu sais, les NFT en photo, justement, ça peut être intéressant parce que tu désires faire l'acquisition de droits sur une photo, ben, en fait, de propriété sur une photo, disons. Et moi, j'ai ouvert mon compte sur OpenSea en ce moment, mais il y en a d'autres lieux où il va y avoir des places où tu peux vendre des images, ça peut être des images créées, des dessins, ça peut être des photos, etc. Puis éventuellement, ben, je veux ultimement vendre peut-être quelques photos là-dessus. Je suis en train d'explorer ça là, en ce moment, mais il y a déjà des gens qui sont là-dessus et qui ont commencé à en vendre là, des photos sous forme de NFT. Et bien, en ayant ça, à la limite, tu peux avoir... À la limite, ça va commencer. Tu vas arriver en cours et tu vas dire, « Monsieur le juge, voici la preuve. » Sans dire, c'est un NFT ou whatever. J'ai ici un reçu numérique qui prouve que j'ai la propriété de cette image-là. Et puis, tu sais, en ce moment, c'est peut-être encore flou au niveau juridique parce que les juges ne sont pas rendus là. Mais avec un bon expert que tu fais venir et qui explique comment ça fonctionne, etc., ben, tu peux faire valoir tes droits, là. En fait, c'est plutôt les lois qui ne sont pas rendues là. Et c'est là qu'il y a le plus gros problème majeur. Les lois ne sont pas tenues compte de tenir compte de ça. Parce que, ben, oui, parce que ton NFT, c'est une facture. Tu reçois... Oui, mais il faut que ça soit défini dans la loi, comment tes droits sont transférés d'une chose à l'autre. Or, il en parle pas. Je ne suis pas sûr que tu peux faire valoir grand-chose avec ça. Mais non. La loi de quel pays? Mais ça, c'est un autre problème. Mais non, mais tu viens de mettre un autre problème là-dedans. Non, ben, parce l'Internet n'est pas régulé. En droit, généralement, c'est le lieu... Oui, je comprends, mais mettons, moi, j'achète un truc... Ouais, encore là, ça dépend, effectivement. C'est ça. Ça dépend où le truc a été acheté, mais ça dépend... Tu peux dire, ben moi, j'ai fait l'achat, justement, vu que c'est un lieu décentralisé, j'ai fait l'achat à partir de chez moi, donc je veux faire valoir mes droits selon le droit. Écoute, tu vas abandonner le projet parce que tu habites au Canada, puis là, mettons, il y a quelqu'un au Myanmar qui décide que... Je dis Myanmar. Je sais pas, en Chine, tu sais, qui décide qui utilise ton truc. Hey, t'imagines-tu, toi? Vas-tu te lancer là-dedans? Mais mettons là, que tu achètes, je prends un exemple extrême, mais mettons que tu achètes la Mona Lisa. Tu achètes le fameux tableau. Oui. Mais est-ce qu'on s'entend que même s'il y a des reproductions de la Mona Lisa, tu ne vas pas te mettre à poursuivre tout le monde au Myanmar ou en Argentine ou ailleurs? Je veux dire, tu sais que tu possèdes le tableau, oui, tu as la preuve, tu peux arriver et là, les gens peuvent dire, ben, j'aimerais te le louer, puis ils vont te payer pour ça, puis ils savent que c'est toi qui l'as parce que tu as le NFT. Oui. C'est à ça que ça sert. Ce n'est pas pour une petite photo à 100$ ou à 500$. Là. Oui. C'est pour les trucs en ce moment extrêmes. Quand on parle de photos ou d'œuvres d'art ou de trucs comme ça, c'est pour les trucs qui valent vraiment cher et qui peuvent être utilisé dans un contexte quelconque, mais que quelqu'un en possède une copie puis qu'il l'utilise sur son site web, on s'en fout, là. C'est pas ça l'utilisation ultime que tu vas en faire. Tu dis, moi, je possède la Mona Lisa, voulez-vous la mettre dans un film? Vous avez la vraie Mona Lisa, vous avez la preuve? Ben voici, ça coûte tant parce que j'ai mon NFT qui prouve que c'est moi qui le possède. Oui. Mais pour poursuivre quelqu'un qui aurait utilisé une copie, c'est secondaire, c'est minime, je trouve. C'est pas ça le but du NFT, là. C'est sûr. C'est comme dans la vraie vie. C'est ça. Moi, je ne vois pas de différence dans le métavers et le monde réel, à part... Écoute, là, on pourrait faire une émission là-dessus. Oui, mais là, on est clairement. Un podcast photo. C'est pas un podcast juridique ou crypto. Moi pour mettre le dernier point, je pense qu'il est comme le moins mineur, qui me fait que j'ai plus de misère avec tout ça, c'est que si, mettons, God forbid, là, mais je ne pense pas que ça arrive, là, mais mettons que l'Internet tombe demain. Là. Mm-hmm. Il n'y a plus d'Internet. Mais tu as dépensé 528 000 sur rien. Absolument. Tandis que l'autre, ta toile, ben ta Mona Lisa que tu as dépensé, ben là, on ne peut pas dire combien qu'elle vaut parce que ça doit être assez atroce. 2 millions, si je ne me trompe pas. Oui, ça ne m'étonnerait pas. Mais on va dire une toile à 520 000, ben, tu l'as encore dans les mains, ta toile à 520 000. Est-ce que tu vas pouvoir la revendre à ce point-là? Ça, c'est une autre histoire, là, mais bon. Mais si je payais 520 000 pour avoir le NFT et tout ça, j'espère que j'aurai l'objet physique. C'est ça l'histoire. Ouais, c'est qu'en ce moment, il y a des gens qui font des folies parce qu'ils ont acheté, admettons, là, c'est sur l'Ethereum, là, surtout la monnaie pour payer les NFT. Ils ont acheté de l'Ethereum à 10, 15, 20 ou 100$, puis ça coûte 3 Ethereum. Mais pour eux, c'est 300$. Mais aujourd'hui, 3 Ethereum, c'est 15 000$. Fait que c'est ça, eux autres, ils disent « Oh, ça coûte 3 Ethereum, c'est pas grave ». Mais ils ne l'ont pas payé la semaine passée, leur Ethereum. Ils l'ont acheté il y a 4-5 ans. Fait que c'est ça la différence. C'est qu'il y en a qui se disent, ben moi, je peux me permettre de m'acheter ça. Ça ne m'a rien coûté il y a 4 ans. Absolument. Donc, c'est comme si tu avais fait un investissement. Tu l'as bien dit, c'est pour flasher. Oui, ben, je l'ai dit au départ. Vraiment. C'est exactement pour ça. Ce n'est que pour ça. Mais tu sais, Christian, juste pour me faire la vodka du diable. La vodka du diable. C'est bon, je l'avais jamais entendu celle-là. C'est excellent. Tu sais, si tu dis l'Internet disparaît, si on fait de l'analogie avec notre vie, si une comète arrive sur la planète et la planète explose, ton 520 000, il ne vaut plus rien non plus. Parce que là, l'Internet, tu l'as annihilé. Donc, ouais, tu voudrais faire la comparaison. Mais mettons qu'il y en a une qui a une finalité un peu plus grande que l'autre, disons. T'sais. Ben, moi, l'Internet disparaît, la planète disparaît, pour moi, c'est la même chose. On peut continuer à vivre, mais bon. L'implication, les implications de la disparition de l'Internet sont quand même assez grandes, merci. Là. Non, non, mais oui, clairement. Et puis, moi, je parle à l'intérieur de l'Internet. Si l'Internet n'existe plus, il n'y a plus rien. Ouais. C'est pour ça que je fais la comparaison avec lui. Non, regarde, j'ai plus de job s'il n'y a plus d'Internet. Je dis ça de même, là, mais... Il peut s'en passer des catastrophes. Là, t'sais, imaginez qu'on ait une pandémie et que l'industrie touristique ne fonctionne plus. T'sais. Imagine. Là, ça serait terrible. Ce serait, oui, vraiment. Oh boy. Bon, mais non, moi, j'ai envie de finir ça sur une belle note après cette parenthèse. Je pense que c'est la plus grande parenthèse qu'on a fait en 180. À peu près, hein, quand même. Oui, ouais, on a battu tous les records. C'est pas facile d'expliquer les NFT. Tout ça pour parler d'une vidéo qui l'expliquait de manière simple. Oui, encore plus. Ça aurait pris moins de temps si vous aviez regardé la vidéo. Non, mais c'est pas ça. Le but... C'est l'argument, en fait. C'est On a fait un argumentaire autour de ça et on a donné des exemples, on a fait des parallèles. C'est pas juste expliquer ce qu'est un NFT, c'est les implications, etc. Donc, quand même, c'est un complément à la vidéo, disons. Donc, allez voir la vidéo, recommencez le segment que vous venez de passer et là, vous allez tout comprendre. Oui. mais bon, pour clore ce 180e épisode, j'aimerais savoir si un ou des moments que vous avez préférés depuis le début ou depuis que vous êtes là ou peu importe. J'ai envie de. Ben, moi, je vais commencer, tiens. Parfait. Moi, c'est le moment que j'ai commencé à me sentir plus à l'aise au micro. Vous vous rappelez, Christian puis Stéphane, excusez, je viens de faire craquer mon micro. Je suis toujours pas à l'aise, de toute évidence. c'est le moment que je me suis senti un peu plus à l'aise parce que moi, étant derrière la caméra, j'ai jamais voulu vraiment être devant puis m'afficher puis tout ça. Puis c'est arrivé le moment que j'ai fait une chronique, le courrier du... Le courrier du quoi, donc, déjà? C'est en plein ça, moi, que j'allais dire. C'est ça que moi, je me rappelle le plus. J'étais crampé de mon bord. Ouais. Ah, oui. Je me suis improvisé comme scripteur humoristique, puis j'ai fait une chronique du lecteur, okay? de l'audio de l'auditeur. Je ne sais pas trop comment l'appeler. C'est ça. Puis c'est là que j'ai fait comme, OK, là, j'ai du fun, ça se passe bien. J'ai pas l'impression de lire un texte que n'importe qui pourrait faire à ma place. Là, j'ai mis ma couleur à moi. Puis pour moi, c'était mon meilleur moment. Là, écoute, moi, comme je te disais, moi, le courrier du cœur. Vous irez écouter l'épisode 67. Le courrier du cœur de François. Et je ne sais pas si... il y en a eu d'autres. Écoute, on entend un extrait. Mesdames, messieurs, je vous suggère de trouver un ou une photographe comme âme sœur. En effet, vous aurez toujours de beaux portraits récents de vous. La personne choisie vous trouvera toujours un beau côté de vous, même quand vous sortez du lit le matin. Vous désirez un peu de temps libre? Demandez à votre flamme une photographie de quelque chose de bien précis. Et cet horrible bouton dans le visage, il ne sera plus jamais dans la photo. L'être choisi vous fera visiter les plus beaux endroits, vous montrera les choses sous de perspectives différentes. Chérie sera toujours content de sortir. Minou sait vous emmener pour le plus beau coucher de soleil et vous montrera la lumière. Adieu les kilos en trop, ça s'arrange en post-production. Eh hey, voilà, bon, écoute, que de souvenirs. Hein? Oui, mais 67, c'était fun. Hey, ça fait exactement 7 ans, 8 décembre 2014. Ouais. Bref. Ouais, tu vois, moi, c'est ça. Ça, c'en est un des moments que je me rappelle le plus parce que, ben, il y a. C'est sûr qu'enregistrer le podcast en personne aussi est un moment qui me manque pleinement, puis ça fait partie aussi de la frustration, pourquoi qu'il y a moins d'intérêt aussi un oui. peu oui, par oui, rapport absolument. Au podcast, moi, c'est... ça c'est clair. Dans les Mais facteurs. Je te dirais qu'il y a aussi les journées qu'on a faites là, pour, avec nos auditeurs, là, nos photo walks. Les photo walks. Ça, ça a oui. été le fun. Toutes les fois qu'on en a fait, ça a été super plaisant de pouvoir parler aux auditeurs, d'avoir c'est du vrai? Fun. De juste sortir puis d'aller... prendre la photo, parce que ça aussi, ça nous motivait à faire autre chose. Puis on passait tous par le même chemin, puis on n'avait pas les mêmes photos, puis on s'est montré. Je sais pas, ça, c'était super motivant. J'ai beaucoup aimé ça, franchement. Ouais, ça, ouais, ouais. ça a été bien le fun. On a fait quoi, trois, quatre? Au moins trois. Au moins trois. Quatre, mais oui. Puis ça, on a tissé des liens avec certains auditeurs. Il ouais. Y en a, justement, qu'on a rencontrés pour la première fois. Il y en a qui sont venus qu'on connaissait déjà. Je pense à Éric Santerre. Ben, Maxime était là, évidemment. Mais Maxime, tu n'étais pas encore co-animateur à l'époque, je pense. Hein? Tu étais venu... Je suis venu le premier. Au Vieux-Montréal. Je sais pas si c'était le premier ou le deuxième. Oui, c'était le premier. Donc, ouais, tu nous envoyais tout le temps plein de stocks déjà. Oui, oui. Tu étais recherchiste officiel, mais mm-hmm. je ne pense pas que tu étais co-animateur à ce moment-là. Donc, non, c'est des bons souvenirs. Puis, ben, pendant que j'y pense, je vais malheureusement peut-être oublier des gens. Mais j'aimerais quand même remercier les gens qui sont venus à l'émission. Je pense à Pascal Forget, qui est venu à l'émission. Denis Talbot, qui était là pour la centième. Maxime Tremblay. Il y a Rémi Saint-Onge. Rémi, que je vois encore, je l'ai vu il y a à peu près un mois et demi, je pense. Bon, Il y a Bernard Brault qui a participé à notre épisode. Oui, en entrevue, effectivement. Épisode, ouais. Fameux photographe. Oui. C'est de le dire. Oui, oui, absolument. Éric Santerre, que je connaissais depuis l'école, depuis le cégep, qui était notre expert Lightroom pendant un certain temps. Pascal Dupré, qui a parlé de photos de voyage. Caroline Cloutier aussi. On a eu Sylvain Grandmaison. On a eu des représentants de marques aussi. Patrick Pilon aussi, je pense qu'il est passé aussi une couple de oui, fois. Oui, mais je ne suis pas rendu là dans mes remerciements encore, mais on va tomber là. J'aimerais vous remercier tout le monde. Merci. Merci Patrick. Merci Maxime. Maxime qui a travaillé souvent dans l'ombre, longtemps dans l'ombre, mais qui est venu aussi au micro partager ses trucs. Puis merci Christian. Merci François. François et Christian. Bon, c'est avec Christian que l'idée du podcast est venue. J'ai rencontré Christian le jour où j'avais rencontré Rémi Saint-Onge aussi au GeekFest 2011. Puis on était tous du côté Canon à l'époque. Puis c'est mm-hmm. ça qui avait fait qu'on s'était parlé, on se parlait d'appareils, etc. Puis on s'est dit, hey, faudrait parler plus que ça, faire le podcast. Puis moi, mon réflexe tout naturel, ça a été de demander à François aussi de se joindre à nous parce que. François, c'est une des deux personnes, c'est François et Pascal Dupré qui est venu à l'émission, qui m'ont donné le goût de faire de la photo, de me procurer un bon appareil et tout ça. Puis c'était tout naturel que François, expert en photo vidéo, se joigne à nous aussi pour faire le show. Donc, puis Patrick, écoute, je reviens à toi, mais d'avoir quelqu'un qui a été journaliste dans une autre vie, ça donnait des topos incroyables. Écoute, c'est du contenu pertinent, recherché. Mais tu sais, tu demandais aussi quelle avait été notre bout préféré ou notre mémoire de tout ça. Moi, le plus grand de l'aventure, je l'ai vécu comme auditeur. Puis c'est à vous écouter, vous obstiner sur la pertinence d'une affaire, un peu comme tantôt, ou écouter vos argumentaires ou les échanges d'opinions là-dessus. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup accroché parce que je découvrais un voisinage obscur en Turquie, puis je vous écoutais, il y avait toujours dans mes oreilles toute la gang, puis je dis en Turquie, mais c'était depuis bien plus longtemps. Donc, pour moi, vous avez vraiment été comme... les amis que je n'avais pas avec qui discuter de photos. Puis je suis content d'avoir fini par faire partie de la gang puis d'avoir eu la possibilité de répondre à toutes ces joutes oratoires-là. Écoute, c'est quand même extraordinaire d'entendre quelqu'un avec une formation journalistique qui est capable de bien s'exprimer, vulgariser, parler, puis dire qu'il nous écoutait, puis qu'il aimait ça. Ouais. Alors, on était complètement, on partait dans tous les sens, pas structuré, en tout cas. Je parle pour moi. On a tous eu nos moments. On a tous eu nos moments définitivement. Ouais. Fait que Patrick, ouais, moi, c'est doublement. Fun, c'est oui, on s'entend, c'est real life, là, tu sais. Ben, c'est le podcast. Ça peut c'est être ça, à chaleur c'est ça, aussi. Ben, c'est ça, un podcast, c'est plus. C'est moins formaté, c'est spontané. Plus spontané, là, je veux dire, la conversation qu'on vient d'avoir sur les NFT, là, on n'aurait pas pu avoir ça à la radio. Là. C'était pas prévu. Là. C'était pas prévu du tout qu'on ait cette conversation-là. Puis au départ, moi, je me disais, bon, parfait, Maxime parle de sa vidéo, puis ensuite, on passe à l'autre. Puis finalement, on est tombé dans le piège. Comme une discussion de bord. Un peu, oui. Oui. Puis j'aimerais remercier aussi Pierre-Luc Groslot qui s'est joint à nous pendant un petit bout aussi pour au début de la pandémie et qui est allé aussi chercher des invités beaucoup pour venir nous parler, que ce soit des photographes, des gens qui travaillaient soit chez Lozo ou d'autres, des gens dans le milieu pour amener des connaissances de l'expérience, des sujets intéressants. Donc, ça a été agréable aussi de collaborer avec lui. Puis, ben voilà, écoute, ça, moi, j'ai, pour vrai, tu sais, pendant les 7-8 premières années, il n'y a pas un moment où j'étais pas motivé à faire le podcast. Quand la pandémie est arrivée, on s'est reviré de bord, on l'a même fait aux semaines, justement, vu que c'était plus facile. On se disait, OK, on fait un épisode, on avait des invités, ça allait bien. Mais là, à un moment donné, l'essoufflement a commencé à se faire sentir, puis parce qu'on ne faisait plus de photos, les nouvelles ne sortaient pas. Et c'est là que j'ai commencé un petit peu, moi, à perdre l'intérêt. Mais à chaque fois qu'on se réunissait, qu'on faisait un épisode, je ressortais avec le gros sourire. J'avais de la difficulté à m'endormir le soir parce que j'étais sur un high à chaque fois. Le même high que j'ai eu à tous les épisodes, je l'avais à la fin de chaque épisode ou à peu près. Mais c'était avant, c'était de préparer l'épisode ou de. Puis là, après, ben, le montage, les notes, c'est du travail extra que quand tu n'es pas motivé, c'est encore plus lourd sur tes épaules. Fait que c'est juste se parler comme ça, tu sais, ça me fait questionner des fois un peu, coudon, on fait la bonne décision. Parce que tu te rappelles de qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est ça, mais tu sais, en même temps, je le sais que les problèmes qui sont là sont encore là. On n'en sortira pas tant que ça. Là, je veux dire. Puis mine de rien, tu sais, j'avais lancé le Patreon aussi, puis j'avais plein de projets. Puis à un moment donné, j'ai réalisé le travail que ça impliquait pour. Malheureusement, tu sais, ça n'a pas duré assez longtemps, mais ça ne prenait pas assez son envol à mon goût pour me motiver à continuer à mettre autant d'énergie là-dedans. Puis veux, veux pas, ben avec le travail, j'avais énormément de boulot, puis je n'avais pas le temps de. À investir assez de ce côté-là. Donc, finalement, ça s'est tombé un peu à l'eau aussi. Mais je remercie tous les membres Patreon, tous ceux qui ont contribué, que ce soit pour un mois ou du début à la fin. Vraiment, merci. Merci beaucoup. Ça a fait vraiment un gros baume. Tu sais, quand on a lancé ça, ça prouvait que, justement, il y avait des gens qui attribuaient une valeur monétaire au podcast, tu sais, quand même au travail qu'on mettait derrière. Puis ça n'a jamais été ça le but parce qu'il n'y a jamais eu de pub de quoi que ce soit, ni sur le site, ni dans les épisodes, peu importe. Moi, ça n'a jamais été mon but. Puis même quand j'avais mon blog, le Technophile, il n'y a jamais eu de pub sur le blog parce que je suis pas contre la pub, parce que ça a lieu d'être dans beaucoup, beaucoup de circonstances, de domaines, de secteurs. Mais moi, je voulais toujours garder mon espèce de voix indépendante et de ne pas dépendre, ni même financièrement, ou tu sais, de quoi que ce soit. Donc, je voulais garder mon indépendance et c'était parfait, mais les gens qui ont contribué au Patreon, j'ai trouvé ça merveilleux et je vous en remercie du fond du cœur. Puis, voilà, on n'a pas fini de faire le tour. Maxime, toi, as-tu un moment ou des choses que tu as vraiment aimé? Ça, il y avait les photos walk, il y avait aussi l'effervescence de la centième où on était plusieurs personnes. Oui. Oui, ça, c'était cool. Tu étais notre gars à la régie à ce moment-là aussi. C'est toi qui s'occupais un peu de la régie parce qu'on avait les caméras. François s'occupait de filmer. Puis moi, je m'occupais aussi de parler aux invités aussi. En tout cas, bref, on avait un gros show. La centième, ça a été vraiment cool. Et dans mes remerciements, tu me fais penser. Merci à Benoît Mercier, des Mystérieux Étonnants, parce que c'est lui, quand il avait organisé ses podcasts All Stars, il nous avait invités dès la première édition. Il croyait en notre show. Puis merci, tu sais, il n'écoutera peut-être pas l'émission, là, mais je tiens quand même à le remercier parce que Benoît ne fait pas vraiment de photos, donc ça m'étonne. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas intéressé par le show, non, non. C'est le sujet. Mais bref, je le remercie quand même. Merci exact. À Benoît Mercier parce que quand même, c'était vraiment significatif. Ça avait une signification d'être invité aux deux itérations de Podcast All Stars. Et puis, voilà. Justement, en parlant de Benoît Mercier, des Mystérieux Étonnants, un très bon podcast à écouter si vous aimez la culture populaire. J'ai commencé, moi, je suis spécialiste en vidéo, virage, j'ai commencé en étant blogueur et recherchiste pour les Mystérieux Étonnants, même si j'en ai rien à foutre des films de Marvel, de science-fiction, ou un peu des fois de science-fiction, en tout cas. Bon, décider, c'est pas les affaires que ça m'intéresse, moi, parce que c'est pas assez réel. Mais je m'en souviens qu'une fois, entre autres, Benoît m'avait comme invité au podcast pour juste me présenter en quelque sorte, parler 5 minutes, puis j'avais comme dit deux mots parce que c'était trop... J'avais beaucoup de problèmes de diction quand j'étais enfant, j'allais à Sainte-Justine la chaque semaine, donc juste parler dans le micro, ça me faisait peur. Puis ça, c'est quand même une bonne chose, je ne suis pas le plus à l'aise ou ainsi de suite, mais c'est quand même une bonne chose que Objectif numérique m'a apporté, c'est une certaine... Je ne sais pas si je pourrais dire aisance, mais en tout cas, je n'ai pas peur de parler dans le micro, nécessairement. Bon, ben, tant mieux. C'est un très bon gain, là. Super, ben, je suis bien content à ce moment-là. Que peu importe, du moment que ça t'apporte quelque chose, c'est merveilleux. Yes. Bon, ben, on va en profiter, même si ça vous dit, chers auditeurs, chères auditrices, s'il y a des moments que vous avez aimé, un épisode préféré, un sujet, peu importe, et que ça vous tente de le partager, ben, écrivez-nous un petit commentaire, que ce soit sous la publication Facebook, Twitter, ou sur le site web, même dans les commentaires sur le site web. Ça risque peut-être de rester là plus longtemps. Je ne fermerai pas le site, évidemment. Il va rester là pendant de nombreuses années parce que qui sait, hein? On ne sait jamais. Même mon blog, ça fait 4 ans qu'il est fermé et puis le site est encore accessible parce qu'on ne sait jamais. Je suis attaché à ces petites bêtes-là. Hey, écoute, tu as mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts, de sang, de sueur. C'est normal. Ouais, j'allais justement le dire, Stéphane, ça paraît pas, mais il en a fait plus que sa part dans toute cette gang-là. T'sais, il nous a monté le site web, il a fait les notes, montage vidéo, de montage sonore, de nous pousser dans le cul pour qu'on trouve des sujets. Stéphane, sans ça, il n'y a pas d'objectif. Sans lui, il n'y a pas d'objectif numérique, c'est absolument, sûr. Absolument raison. Certain. Puis, tu sais, j'ai eu mes downs, moi aussi, puis je dirais qu'il y a comme, même un peu avant la pandémie, je commençais à faire moins de photos, puis j'étais un peu moins motivé, puis tout ça, puis Stéphane disait « Ah non, vas-y, tu sais, c'est de motiver, puis de nous remettre dedans, puis tu sais, c'est... » Moi, je te suis très reconnaissant parce que ça a été une super belle expérience, peu importe là, comment que ça soit fini ou pas, je regrette pas de l'avoir fait, ça fut très plaisant, puis tu sais, dans d'autres circonstances, on aurait continué, mais là, ouais. C'est plus là. C'est ça. Ah non, moi aussi, comme je disais, puis comme tu l'as dit tantôt, juste le fait de se parler comme ça, puis on dérape du sujet, puis c'est pas grave, parce que dans la vraie vie, on se connaissait tous, à part Patrick, qu'on a connu parce qu'il a voulu venir parler d'un sujet au départ, tout ça. Mais Maxime, justement, on se connaissait un peu. François, ça fait... plus de 25... Ah, ça fait 30 ans qu'on se connaît, je pense, Frank. Pas loin, oui, environ, l'école secondaire? On avait 89, fini... quelque chose comme ça. J'avais fini le secondaire, début cégep. Puis, fait que ça fait 30 ans. Puis c'est à cause des jeux vidéo, de la musique techno, des BBS, tout ça, les babillards électroniques à l'époque, avant l'Internet, avant MIRC et compagnie. Oui. Il y avait les BBS et François et moi, on s'est connus pas mal comme ça par des amis communs. Ouais. Puis Christian, ben, ça fait 10 ans, plus de 10 ans avec le Geekfest 2011. Peut-être qu'on se croisait sur Twitter et compagnie un petit peu avant, mais c'est vraiment là, je pense que... Oui. Bref, ce fut une belle aventure. Merci beaucoup. Puis, je suis le bord d'être émotif, c'est drôle. Ça paraît. Ben, c'est pas drôle, c'est normal. Moi, je le suis un peu, je te le dirais. C'est comme là que c'est la réalisation. Là, c'est... Yes. Mais j'ai un conseil à tous les auditeurs, toutes les auditrices. Pandémie ou non, laissez votre appareil photo pas trop loin. parce qu'il peut y avoir une petite occasion qui va rallumer l'étincelle si c'était si la flamme était éteinte depuis quelques mois ou un an et demi. On ne sait jamais. Mon appareil, moi, est toujours sur mon bureau. Je l'ai ici. Les gars le voient à la caméra. Il est toujours en face de moi, mon appareil photo. Il n'est jamais rangé. Parce que je fais de la photo de produit, de la photo macro, de mes jeux de table, etc. Mais mon appareil est toujours dans ma face. Donc, c'est clair qu'à un moment donné, je vais dire, OK, je le prends, je m'en vais dehors, je vais faire un petit shooting photo en ville ou peu importe. Donc, faites la même chose. Gardez-vous toujours un petit rappel au coin de l'œil ou dans un coin de votre mémoire, puis pensez à sortir votre appareil photo. Parce que ça coûte cher, ces petites bêtes-là. Il faut rentabiliser ça. Clairement, oui. Bon, ben encore une fois, merci beaucoup tout le monde. Et puis, qui sait, peut-être à une prochaine fois. Dans le métaverse. Dans le métaverse. Non, petit. mais comme je vous dis, on ne ferme pas les comptes, on ne ferme pas la page, le site web, etc. Donc, peut-être vous pouvez vous désabonner si vous voulez, mais restez abonné si jamais il y a une annonce à être faite ou quoi que ce soit, on la fera par ces canaux-là. Merci beaucoup, chers auditeurs, chères auditrices. À vos déclencheurs!